cours numéro 15. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa akhadna fi darsina al-akhir babayn. Et les deux chapitres qu'on a étudiés ensemble précédemment, al-haqiqa, ils se ressemblent. C'est pour ça qu'on les a lus dans le même dars. Enfin, ils se ressemblent à quel niveau? Indaman, fadda. نعم ce qui continue تفضل انه يجوز ان يدخل غير الله كالنبي والملائكه نعم فهذان البابان le premier المؤلف رحمه الله عليه l'a cité comme exemple l'histoire de Uhud avec le prophète صلى الله عليه وسلم et استفدنا نحن من هذا ببراهين عقلية ونقلية كذلك le deuxième bab qu'on a lu المؤلف رحمه الله il a cité الحديث وفيه قصة الملائكة في السماء et ces deux الحديث ou ces deux genres de preuves فيها أدلة نقلية سمعية أي من الكتاب والسنة des الحديث il a cité des versets كذلك وفيها كذلك الحديث عقلية أما الأحاديث أو plutôt الأدلة النقلية أي des preuves qui montrent qu'on n'a pas le droit d'adorer le prophète صلى الله عليه وسلم des preuves qui montrent qu'on n'a pas le droit d'adorer un ange ملك من الملائكة qui c'est qui nous cite une preuve في هذا من القرآن أو من السنة عندما تفضل الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى ليس لك من أمر شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء نعم ليس لك من الأمر شيء ومن السنة تفضل يوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يملك شيئا كسرت أحسنت أن يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبلسي دون عليه الصلاة والسلام من دوسي دون عليه تكاسي فلو كان يملك شيئا فسمال إلا غيبا توشي عليه الصلاة والسلام هذا سنمونتر أنه لا يجوز عبادة المخلوق والعقل في الحقيقة إلى أبي هذا عندما ما هو الدليل العقلي si on peut l'appeler دليل هنا لكن العقل كذلك nous montre ان ادور المخلوق لا يجوز تفضل قال تعالى ايشك دليل عفوا دليل عقلي تقدمت معنا النصوص من الكتاب او من السنه الان on a vu حتى la raison elle démontre هذا هم مخلوقات لا تجوز ان تعبدهم لان لا تخلق ولا يستطيع ان نصر العقل et celui qui possède l'aql c'est l'aql façon raisonnement normalement انه سيسي ان هذا البشر ستتقما او هذا المخلوق il est ضعيف il a été créé à partir de rien il goûtera à la mort il tombe malade il a akhir الحقيقة sans fitra sans عقل ça doit l'empêcher d'adorer هذا الضعيف هذا المخلوق et الأدلة qu'on a cité ou qu'on a étudié précédemment elle démontre هذا فالدين qui est fondé sur le kitab والسنة وكذلك العقل il démontre أنه لا يجوز عبادة المخلوق والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه on a lu son كلام مفيد في هذا قال On répète son kalam. فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. Fait tu as des preuves naqliya, sam'iya, avec le Coran ou le Sunna. C'est les preuves qui cite Cheikh l'Islam rahmatullah alayhi dans ce livre. كذلك, tu as des choses, la raison, elle approuve ces choses, et annahu c'est pas permis de faire telle chose, ou c'est permis de faire telle chose. Alors, la raison, elle suit les textes. Khas, satan al-aql wa al-fitra salim. هذا الحمد لله سي واضح تقدم معنا. واليوم نقرا بابا جديدا. Qui veut le réciter avant de commencer? قال شج النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الشفاعة. هذا الباب باب مهم. لماذا؟ لأن المشركين كثير منهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وبعضهم كذلك يعترف أن هذا المخلوق كلمة العدو من قبر أو ميت أو صالح أو غير ذلك أنه إلى ضعيف، وأنه لا يقدر على شيء من النفع أو من الضر. لكن عياذا بالله زم شبهة، وهي شبهة جميع المشركين، كسوا à l'époque في الجاهلية et jusqu'à aujourd'hui، أنهم عندهم من شبهة c'est أن هؤلاء ils leur demandent ويتقربون إليهم ببعض العبادات. Pourquoi? Pour الشفاعة، أي pour que هذا المخلوق يشفع لهم عند الله عز وجل. فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله après avoir démontré أنه لا يجوز عبادة الأنبياء والملائكة، on n'a pas le droit d'adorer des prophètes ou des anges، et il a montré بعض أنواع الشرك ما يتعلق بالدعاء والاستعانة والاستغاثة إلى آخره. إلى سيتي هذا الباب هنا après avoir montré الشرك il montre الشبهة ورحمة الله عليه. وهذا ترتيب حسن. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أي مناسبة الباب أنه لما كان المشركين يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون، فلهذا si tu entends la réponse de هؤلاء المشركون quand ils sont conseillés أنهم ils ont pas le droit d'adorer هذه المخلوقات que ce soit un ولي ou autre، فكثير منهم يقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون. Ils savent très bien أنهم c'est des créatures. Et ils prétendent pas أنهم c'est des ilahs أو أنهم c'est des هذا الولي c'est un رب عيادا بالله. لا، لكن ماذا يقولون؟ ولكنهم لهم جاه عند الله، فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. C'est ça leur choubha. Et c'est très très grave, fil haqiqa. لماذا لأن هذه الشبهة صغيرة du shirk. Et cette prétention, الحقيقة, c'est pas une excuse أبدا. فهم يقولون أن هؤلاء عندهم جاه. الجاه, c'est un haut rang عند الله. مثلا un نبي أو ملك أو un صالح عالم. فيقولون أنه إلى أن جاه عند الله, أي إلى haut rang عند الله. الله إلام. فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. فنحن on veut qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah عز وجل. قال أراد المصنف رحمه الله بهذا إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. Cette shubha, c'est عين الشرك. هذا القول أنه يبخن دي فلان فلان pour intercéder, في الحقيقة ça change rien, لأن هذا هو الشرك. فالست demande qu'ils vont faire à ce makhluk pour intercéder, c'est du shirk, كما سيأتي معنا. Cette demande ou ce sacrifice et cette chose qu'ils font pour ce makhluk pour l'intercession, cette chose qu'ils font, c'est une ibadah. Et accomplir cette ibadah pour une créature, c'est du shirk. هذا هو مناسبة هذا الباب باب الشفاعة. Et pour comprendre هذا الباب, أخي الكريم, tu dois comprendre certaines مسائل في الشفاعة. Des points importants concernant الشفاعة. أولا التعريف, la définition. C'est quoi الشفاعة? Ils traduisent par l'intercession. Et on répète, نحن أن ces traductions فيها ما فيها. Tu ne comprendras jamais Hadal Bab avec le mot intercession. Là, tu comprendras Hadal Bab si tu arrives à comprendre une définition simple du mot Al-Shafa'a. Vous connaissez le mot Al-Shafa'a ou Al-Witr. Enfin, Al-Shafa'a, ça vient de ce mot Al-Shafa'a. Al-Shin, Al-Fa' ou Al-Ayn. Qala Ahlul Lugha, Al-Shafa'a et Al-Shafa'a, c'est Ja'lu Shay Itnayn. Quand un had est tout seul, il est tout seul. Wahed. Kadalik, on l'appelle l'witr. Lakin l'witr, ça peut être kadalik 3, 5, 7, les nombres impairs. Lakin, si mathalan wahed, il est tout seul, thumma on rajoute un deuxième, c'est ça, al-shafa'a, ou al-shafa'a, lughatan. C'est rendre une chose qui est seule, deux. Ou al-shafa'a, c'est le contraire du witr. Pour comprendre l'an, al-shafa'a, c'est les nombres pairs, و الوتر سي لي نومبر امبير. هذا من حيث اللغه. وشرعا الشفاعه هي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره. التوسط للغير اي prendre un intermédiaire, demander un intermédiaire, compter sur un intermédiaire. Pourquoi? بجلب منفعه, pour emmener un bien. أو دفع مضرة أو repousser un mal. وهذا سأغيب في الدنيا وسيأتي معنا. أحيانا tu as besoin de quelque chose في الدنيا et tu ne peux pas demander directement à فلان من الناس. Ça peut être un responsable مثلا et tu ne peux pas lui demander directement. Tu as besoin d'un papier, tu as besoin de telle chose. Tu es contraint de passer par un autre. C'est ça que je sais faire. حتى cet autre il connaît bien le responsable, ربما c'est sa famille, ربما il l'aime beaucoup, il a affaire. Ce responsable va écouter ton intermédiaire. هذا c'est في الدنيا. فهنا الشفاعة شرعا c'est بعض الناس ils prennent des intermédiaires pour obtenir un bien ou repousser un mal. Obtenir un bien, مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها. النبي صلى الله عليه وسلم il fera الشفاعة pour que أهل الجنة ils rentrent في الجنة. Et repousser un mal, فمثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار أن يدخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم il fera الشفاعة pour que هذا المؤمن العاصي qui mérite de rentrer في النار il rentrera pas في النار. أي الشفاعة بإذن الله عز وجل c'est pour repousser ce mal, أي le feu, l'enfer. Enfin, vous avez compris الشفاعة. Prendre un intermédiaire, التوسط للغير, بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا المشركون qu'est-ce qu'ils font pour un bien, مثلا on donne l'exemple avoir un enfant, ils demandent à un wali, un salih comme ils l'appellent, et pour que ce wali il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. La demande, c'est pourquoi? Pour avoir un enfant. Ou pour repousser un mal. Mathalan, son enfant, il est atteint d'une maladie. C'est un mal. Et il sacrifie pour le mort. L'imada li anna ce mort, il a un ja' indallah. C'est un salih, c'est un alim. Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il guérisse son fils. Vous avez remarqué que la demande, elle n'est pas directement Allah. Il y a un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est imma pour un bien. Avoir un bien, et ma pour repousser un mal. C'est ça, al-shafa'a. Al-shafa'a, et c'est une mas'ala importante, et c'est hukm al-bab, fil haqiqa. Si tu as compris le taqsim qu'on va citer, tu auras compris, bi-idnillah, hada al-bab. Al-shafa'a, tanqassim ila qism. Shafa'a, dunyawiyya, wa shafa'a, ukhrawiyya. Thumma, إن شاء الله ندتايغا قليلا الأخروية لكن pour savoir أولا الشفاعة il y a une شفاعة في الدنيا. On a cité l'exemple avec le responsable, il a أخري, ça peut être pour un travail, ça peut être pour مثلا واحد il a eu une amende بغير حق, et il a un intermédiaire pour lui enlever ce mal. هذه c'est الشفاعة الدنيوية في الدنيا, وهذا ça arrive كثيرا. وَمِنْهَا شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ. الشَّفَاعَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ elle se divise en deux. Oubliez pour l'instant, laissez de côté الشَّفَاعَةُ الْآخِرَةُ, tout ce qui est lié avec notre kitab الشِّرْكُ إِلَى آخِرِهِ. الشَّفَاعَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ مِنْهَا مَا هُوَ حَسَنٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ غَيْرُ حَسَنٌ. ça peut être haram. مثلا الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا. Si tu as une connaissance, un responsable, et tu peux faciliter à un de tes frères, et tu peux aider ton frère, tu peux parler à ce responsable, il facilite à ton frère, il a besoin de ce papier, si tu le fais, tu es ma'jour. Ça rentre تحت قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. Bien sûr, tant que c'est quelque chose de halal, de mubah, de mashrou', c'est de l'entraide. Donc, il y a une partie, une catégorie, elle est mashrou'a, bel insan, il est récompensé. Une autre, c'est haram, sayi'a. Mathalan, faire une shafa'a pour du haram. Wahad, il veut faire quelque chose de haram. Et anta, tu connais le responsable et tu fais shafa'a pour qu'il arrive à faire cette chose de haram. Mathalan, zulm li al-ghayr. Mathalan, prendre de l'argent injustement à wahad. Et anta, tu fais shafa'a pour qu'il ait ce papier ou cette place pour qu'il fasse ce haram. Fahada, c'est haram la yajouz. Donc, cette shafa'a dunya, c'est par rapport au fi'l. Si le fi'l il est hasan, la shafa'a il est hasana. Si le fi'l il est sayyi, il est mauvais, la shafa'a il est sayyi'a. Ntahayna min al-shafa'a al-dunyawiyya. الأخروية كذلك بعض العلماء يلابل الدينية تنقسم إلى قسمين لا même chose مثبتة ومنفية وهذا on l'a vu dans quel livre حقيقة c'est que de la répétition qu'on va faire تفضل القواعد الأربع c'est une قاعدة sur الشفاعة et on a détaillé هذا قليلا فأنا répète هنا donc شفاعة مثبتة ومنفية. Une shafa'a qui est acceptée, une shafa'a qui n'est pas acceptée, qui est interdite. Awlan al-shafa'a al-manfiyya, celle qui est interdite, hiya al-shafa'atu allati tutlab min ghayrillah. Limada li anna la demande de shafa'a, c'est une ibada, on n'a pas le droit de la demander à autre qu'Allah. Celui qui demande à un mort, ou qui sacrifie pour un mort, ou qui fait un vœu pour un mort, pour qu'il fasse shafa'a pour lui, fahada, c'est du shirk. هذه الشفاعة المنفية لماذا؟ لأن الشفاعة ملك لله. الشفاعة appartient à qui؟ à Allah سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Personne ne peut faire شفاعة que si Allah subhanahu wa ta'ala il lui autorise. Fa demander cette shafa'a autre qu'Allah, c'est du shirk. Limadha li'anna shafa'a mulk lillah, c'est Allah qui la possède, c'est Allah qui la donne à qui il veut. Donc hadhihi manfiyah, et la demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr, c'est du shirk. Et c'est notre bœuf. C'est cette shafa'a que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a traité dans ce chapitre. Shafa'atun, la deuxième, shafa'atun muthbata, elle est permise. Wa hadhihi bi shurut. Et kadhalik Cheikh al-Islam, il a cité des ayats qui démontrent ces shurut. Min ash-shurut al-idn, ay que Allah subhanahu wa ta'ala il autorise, et on verra des adilla fi hadha. Min ash-shurut ar-ridha 'an ash-shafi', ay celui qui fait ash-shafa'a, Allah subhanahu wa ta'ala yarda 'anhu, ay li min al-mu'minin min al-muwahhidin. Amma al-kuffar fa Allah subhanahu wa ta'ala la yarda li'ibadihi al-kufr. Kadhalik ar-ridha 'an al-mashfu', celui qui va recevoir la shafa'a. Kadhalik il faut que Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime, il faut que ça soit un mu'min, un muwahhid. Fa avec ces shurut ash-shafa'a elle est acceptée et elle est permise. Et هذه الشفاعة المثبتة, il y en a plusieurs. كما جاء في السنة. مثلا il y a une شفاعة خاصة pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أي الشفاعة في أهل الموقف. وهي المقام المحمود. أي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشفاعة pour que les comptes commencent يوم القيامة. وكذلك شفاعة عامة. أي للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين. Et on a cité les exemples, مثلاً واحد يستحق النار, واحد يوم القيامة il méritera de rentrer في النار à cause de ses péchés, لكن il rentrera pas. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il autorisera un de ses مخلوق, que ce soit un nabi ou autre من المؤمنين, de faire شفاعة pour ce مؤمن. أو كذلك مؤمن كيف النار يوم القيامة il rentrera في النار à cause de ses péchés, ثم il sortira après une certaine durée bi sabab ash-shafa'a. Ay Allah il autorise à un mu'min de faire sortir hadha al-'asi bi shafa'a. Tout ce qu'on vient de citer là, c'est khulasat hadha al-bab al-muhim. Wa Cheikh Mokhbil rahmatullah alayhi, il a un kitab, kitab ash-shafa'a, et il a cité beaucoup d'adilla, et il a une muqaddima nafi'a, il a cité hadhihi al-aqsam. Kadhalik undur al-qawl al-mufid de Cheikh al-Uthaymeen, il a cité هذه الاقسام. وكذلك اعانه المستفيد شرح الشيخ صالح البوزان حفظه الله, il a cité هذه الاقسام, et on les avait résumé في القواعد الاربع, et كذلك في الواجبات فيما اذكر. Si tu as compris tout ça اخي الكريم, la lecture du bab الان ça va être très très simple. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مناسبة الآية للباب, قال أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. C'est un rad ala al-mushrikin, ceux qui demandent à autre qu'Allah Azza wa Jal al-shafa'a. Qal Azza wa Jal wa anzir bihi alladhina yakhafun an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'a. Fa al-mushrik il pourra pas faire shafa'a. Wa kadhalik al-mushrik al-shafa'a elle lui est pas utile. Ça nous montre ان celui qui pourra faire shafa'a bi'idnillah Azza wa Jal c'est le muwahhid. Et كذلك celui qui recevra shafa'a يوم القيامة بإذن الله عز وجل c'est le muwahhid. Amma le mushrik il la demande à autre qu'Allah. Qui c'est qui lui a permis hada? Qui c'est qui lui a autorisé? Qui c'est qui lui a dit que shafa'a est acceptée? Ben la demande qu'il fait. Si on prend l'exemple de Al-Quburiyoun, quand ils vont visiter les tombes, iyadun billah, ziyaratun shirkiya, et ils demandent aux morts. Et quand tu les conseilles, tu leur montres que c'est très très grave, ils disent, nahnu, on lui demande pas à lui parce que c'est le Rabb, c'est le Khaliq, on sait que c'est une créature, lakin, vu que c'est un alim ou un salih, on lui demande pour un الشفاعه et c'est Allah qui donne. Cette demande, c'est du shirk. لأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشبهة خطيرة. كم من العوام للأسف تأثروا بهذا. Et ils pensent que tant que tu dis que هذا المخلوق c'est pas le créateur et c'est pas lui qui donne, c'est pas du shirk. Ils ont oublié أن هذا الذي ذكروه c'est shirk في الربوبية. لكن بقي الشرك في العبادة. فربما بعضهم يفون بدو الشرك في الربوبية لكن يفون الشرك في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم من الناس يؤمن بالله لكن يفيد الشرك في جانب آخر مثلا الدعاء. Donc ce verset il est واضح. ثم قال رحمه الله وقوله قل لله الشفاعة جميعا. Ça nous montre كما تقدم أن الشفاعة ملك لمن لله عز وجل. C'est Allah qui la possède. La demander à autre qu'Allah sans permission, c'est du shirk. قال العلامة شيخ صالح الفوزان كذلك on lit le verset suivant لأنه ça se ressemble وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال شيخ الفوزان حفظه الله في الملخص أن فيهما أي les deux versets الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصور على صور الصالحين يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا. Et c'est ça la gravité. Pourquoi ils demandent aux morts? Pourquoi ils sacrifient Ha'oula? Les noms, ils pensent que Ha'oula, ces créatures, elles peuvent intercéder. Et si elles peuvent intercéder, c'est qu'elles possèdent le Shafa'a. Hada, c'est très très grave. Ils auraient compris ce verset. Qulillahi shafa'atu jami'a. Ils n'auraient pas demandé à autre qu'Allah. Fa'mahnu mathalan en tant que mouahid wa lillahi l'hamd. On espère. Lakin on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que yawm al-qiyama, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fasse shafa'a pour nous. Lakin la demande à qui? On demande à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Amma le wahid, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, il demande shafa'a. Hada shirkun. Limada li anna la demande à autre qu'Allah, c'est du shirk. قال شيخ الفوزان يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. alors que Allah سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ce passage du verset c'est un verset il est connu عند الجميع آية الكرسي. وكم من الناس يحفظونها. تتخوف الآن والله الحمد لله بعض المسلمين يحفظون هذه الآية من سورة البقرة. للأسف بعض المسلمين يكون ce verset et demande الشفاعة autre qu'Allah. فسي on leur dit vous pensez que tel wali il peut intercéder إلى آخره. Est-ce que Allah lui a donné la permission? Est-ce qu'ils pourront répondre? Abadan. من أخبرهم أن الله لا دل على permission بل ميت il est mort. من أخبرهم c'est من أمور الغيب qui sait qu'il aura informé que Allah lui a donné la permission. ثانيا deuxième chose نقول لهؤلاء المشركين لماذا لا تطلبون من الله مباشرة. Pourquoi ne pas demander à Allah directement? لماذا cet intermédiaire? Allah سبحانه وتعالى سميع بصير كريم رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et il donne sans compter Azza wa Jalla, il est capable de tout. فلماذا ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça montre أن هذه القلوب عياذا بالله مريضة. مريضة à cause de quoi? À cause du shirk. قال رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية واضحة. وكم من ملك في السماوات. هذا سبيل الملائكة فما بالك غيرهم. leur شفاعه elle est pas acceptée إلا من بعد أن يأذن الله. Sauf si Allah donne la permission. Et Allah donne la permission à qui? قال عز وجل لمن يشاء ويرضى. فهنا في الحقيقة on peut récapituler les shurut. Al-Idn, vous vous rappelez de ce shurut, et la permission. قوله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله كذلك الباساج دو آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكذلك الرضا عن الشافع والمشفوع celui qui fait الشفاعة الله celui qui fait الشفاعة il doit être مرضي عند الله سبحانه وتعالى et الله يرضى عن أي faut qu'il fasse partie des موحدين des مؤمنين وكذلك المشفوع له celui qui reçoit le shafa'a. Qawlu azza wa jal la liman yasha'u wa yarda. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la permission à qui il veut. Azza wa jal. Ce verset, il est très très important fi bab shafa'a. Min surat al-Najm. Qala al-allama Sheikh Salih al-Fawzan munasabatu al-aya fi ma نعم وفيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين هذا صمود خلنا الملائكة عباد مكرمون مقربون لا يعصون الله عز وجل on a pas le droit de leur demander الشفاعة فمن دونهم من باب أولى قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد رحمة الله عليه قال ابن كثير رحمه الله فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجو أيها أو فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله ابن كثير رحمة الله عليه يمطخ حال هؤلاء أنهم سيدي جهال فسي الله سبحانه وتعالى لا أكسبت بالشفاعة حتى من الملائكة صف سيسي avec sa permission فابن كثير رحمة الله عليه قال فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد فكما يسبغي شفاعة de ce mort de cette statue ربما سينفاسق من الفساق qui a été enterré et ils espèrent sa شفاعة عيدا بالله et ils délaissent الملك الرب الخالق عز وجل au lieu de lui demander et il serait في خير في الدنيا وفي الآخرة لكن هكذا الشرك عيدا بالله Ça aveugle et صاحبه il est في ظلال بعيد كما أخبر الله عز وجل قال وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن منها أو فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي أي الكتب بالنهي عن ذلك جميع الكتب كتبه وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه عز وجل Comment prétendre أن cette demande de شفاعة c'est quelque chose de طيب كما يقول هؤلاء المنحرفين القبوريين alors que Allah سبحانه وتعالى nous a interdit d'adorer autre que lui et cette demande de شفاعة c'est une adoration cet espoir c'est de l'adoration alors que Allah سبحانه وتعالى كما بينا ابن كثير رحمة الله عليه il a envoyé les messagers عليهم الصلاة والسلام جميعا et il a révélé les livres que pour interdire هذا الشرك et pour propager التوحيد فهؤلاء يخالفون أصل الدين c'est pour ça que c'est du shirk akbar et ils prétendent que c'est quelque chose de طيب qui les rapproche d'Allah allez هذا c'est un خدلان كبير c'est une مصيبة عظيمة جدا celui qui n'a pas compris التوحيد et qui pense que الشفاعة طلب الشفاعة أي المنفية الشركية pour eux c'est عين التوحيد Et c'est min afdhal al-qurubat. Et en fait, ça les fait sortir de l'islam, iyadam billah. Thumma qal, rahimahullah, wa qawlihi, qul id'u alladhina za'amtum min dunillah, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard, wa ma lahum fihima min shirkin, wa ma lahu minhum min dhahir, wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah. Ça, c'est le premier shart, al-idn. Personne ne pourra profiter de al-shafa'a, de l'intercession, sauf si Allah, il l'autorise. Sauf si Allah, il accepte, ou il donne la permission à Foulain de faire shafa'a. Que ce soit un nabi, un malak ou autre. Qala, عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير la dernière partie تقدمت معنا dans les أبواب précédents هذه c'est une آية عظيمة Et Ibn al-Qayyim lahu kalamun jamil. Fata'ammalu hadha al-kalam. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Et Sahib Fath al-Majid, il a rapporté هذا الكلام المفيد. قال رحمه الله وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة. Quatre choses que Allah il a cité dans ce verset. Et fil haqiqa, celui qui a compris hada, tu comprendras hal al-mushrikin. C'est pour ça que Ibn Qayyim qala wa qad qata Allahu al-asbab. Et les causes qui poussent à faire du shirk, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré qu'elles sont batil. Il a quatre choses. La première, qala, imma malikun lima yurid, abiduhu min. Imma, on prend l'exemple d'un mort. أو دون ولي لأن هذا الشرك اللي منتشر الآن كثير من الناس يزادوا الأولياء والصالحين هم يزابل سا شفاعة سمر سولي كيزانبوك أندوار الله إما سأمالك أي يبسد سكي بو يبو دوني سك هؤلاء لي دمون وهذا لا شك أنه سباطل لأنه اللي عاجز. المالك سي الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين تبارك الذي بيده الملك سي الله سبحانه وتعالى كي possède tout. Donc هذا on est tous d'accord انه ce mort il le possède pas. حتى المشرك si tu demandes au مشرك est-ce que celui que tu adores c'est le malik, c'est le malik, il va te dire لا c'est الله سبحانه وتعالى. هذا on est d'accord. قوله عز وجل on répète قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré annahu ce makhluq la yamlik shay. Donc pourquoi l'adorer? Il possède rien. Fa al-haqiqa c'est comme si tu demandais à quelqu'un une chose et il est faqir. واحد, est-ce que tu as déjà vu واحد il va et il mendie vers un pauvre? Celui qui demande, il demande aux riches. Ils savent que les riches, fi hadha al-hal, c'est un sabab, ils peuvent leur donner. Bi idhnillahi azza wa jalla. Fa ha'oula al-haqiqa, ils demandent à des fuqara. Fa qala azza wa jalla, la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fi al-ard. Ils possèdent rien. Mithqala dharra. Ils traduisent par le poids d'un atome, quelque chose très petit, ils ne la possèdent pas. Fa limada lui demander. Hadha awwalan. Thaniyan, qala, fa in lam yakun malikan. كان شريكا للمالك. Si il n'est pas malik, et il ne possède pas, est-ce que c'est l'associé du malik? أبدا. Allah n'a pas d'associé. فلهذا قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك. Allah n'a pas d'associé. Donc ce makhluk, ce wali qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est pas le malik, c'est pas le malik, il possède rien. Et كذلك, c'est pas l'associé du malik de Allah Azza wa Jal. Vu qu'Allah il a pas d'associé. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de personne, il a pas d'associé. Donc la deuxième, on est d'accord. كذلك, Allah subhanahu wa ta'ala il a pas d'associé. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا لَهُ. Donc si ce makhluk qui adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas l'associé d'Allah, Allah il a pas d'associé, on est d'accord. كَانَ مُعِينًا لَهُ وَظَهِيرًا. Peut-être qu'il est pas associé, mais est-ce qu'il est مُعِينًا ou ظَهِيرًا? On peut traduire par aider. Il va aider al-malik. Il va aider Allah. أبداً. Allah il a besoin de personne. قَالَ عَزَّ وَجَلْ ولا قال وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الله لا pas besoin, الله لا pas besoin de. قال عز وجل وما له منهم من ظهير. فالمظاهرة سأدي من معانيها. فهنا c'est le sens aider. Donc est-ce que Allah il a besoin de هؤلاء? Allah il a besoin d'aide? أبدا. فpourquoi lui demander? Les trois choses pour l'instant, alhamdulillah, elles sont comprises. Il possède rien, c'est pas le malik, c'est pas le malik. كذلك, il n'est pas associé à Allah, ce makhluk. Allah, il n'a pas de sharik. Donc, on n'a pas à l'adorer, on n'a pas à lui demander. Troisième chose, il n'aide pas. Allah, il a besoin de personne. Allah, il est seul. Les trois, elles sont comprises. الآن لكاتريام بوان سي نوتر باب. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن لم يكن معينا له ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. سي il peut pas aider Allah, il a besoin de personne, est-ce que il peut faire shafa'a? Al-Mushrikoun, les trois premiers, ils vont te dire na'am. Na'am, on le sait, Allah, il n'a pas d'associé, Allah, il est unique, Allah, c'est le seul créateur, celui qui possède tout. Hum, ils vont s'accrocher à la quatrième. Ils vont dire, lakin, nahnu, il a un fadl inda Allah Azza wa Jal. Peut-être que c'est une personne pieuse, peut-être que c'est un savant, il a akhir. Hein? Il va faire shafa'a pour nous, inda Allah. قال عز وجل dans نفس السورة سورة سبا le verset suivant ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله سبحانه وتعالى le quatrième سبب أبطله. Quatrième سبب que كثير من الناس سكر الشفاعة. الله سبحانه وتعالى il a démontré أنه لابد من الإذن. Et vu que نحن on ne sait pas si c'est mort ils ont l'idn أم لا, on ne leur demande pas. Et cette demande c'est à Allah سبحانه وتعالى. Demander à autre c'est du shirk. وانتهينا فهذه الآيات من سورة سبا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه قطع الله سبحانه وتعالى بها أسباب الشرك. الله سبحانه وتعالى لا démontré أن الأسباب كبعض الناس يسكروش pour adorer autre que lui سبحانه c'est باطل. Et avec كلام ابن القيم c'est un كلام مفيد الفائدة للطيبة. قال رحمة الله عليه فنهى سبحانه المراتب الأربع نفجا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. الله سبحانه وتعالى إلى ستة هذه الأسباب dans l'ordre. أي la première الملك, la deuxième الشريك, la troisième الإعانة, la quatrième الشفاعة. Et les quatre في حق الله عز وجل on n'a pas le droit, on doit l'adorer seul. لماذا؟ لأنه c'est Al-Aziz, c'est le Qawi. C'est le Jabbar. Il a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Thumma, rahmatullah alayhi, il a cité kalam, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et al-Haqiqa, il ressemble à kalam ibn al-Qayyim. Fanaqra, et vous allez voir que le kalam, inshallah, il va être wadih. Qala Abu al-Abbas, ay, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ce kalam, المؤلف إلا cité بشيء من التصرف أي لا cité mot à mot لكن c'est كلام شيخ الإسلام لكن si tu reviens au أصل كتاب الإيمان لأنه استفاده من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله et vous verrez quelques mots qui changent au شيء من الاختصار. قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه كما تقدم. أي الله سبحانه وتعالى يبسد تو البشر يبسد غير دونك on n'a pas le droit de leur demander. قال أو يكون عونا لله أو يكون عونا لله أو مثلا واحد يبنس que هذا المخلوق il est شريك لله أو عونا لله إلاد الله. أبدا المؤمنون الموحدون يعتقدون أن الله لا besoin de personne. بقي ماذا؟ قال ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. Cette troisième qui manque أو la quatrième ابن القيم إلى détaillé أكثر الشفاعة الله سبحانه وتعالى celui qui la possède et celui qui va en profiter il demande à Allah سبحانه وتعالى pas à un مخلوق. Donc ce verset en الحقيقة فيه إبطال شبهات المشركين. قال فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. هذا دليل قوي حديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة avant de faire الشفاعة كما جاء في الحديث أنه سيسجد لله عز وجل il va se prosterner et il va invoquer كثيرا avant de faire الشفاعة. قال ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. أي الله سبحانه وتعالى lui donnera la permission. أي ارفع رأسك lève ta tête il dira au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم أي lève-toi du sujoud demande et tu peux faire l'intercession. Summa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a. هذا سفي أفضل البشر عليه الصلاة والسلام أنه لا تندرى la permission d'Allah سبحانه وتعالى pour faire شفاعة. أما هؤلاء qui demandent aux morts, qui c'est qui leur a dit que أولا cette demande elle était permise, c'est du shirk. ثانيا, est-ce que Allah il a donné la permission? أبدا أبدا. هذا même si c'est le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, on n'a pas le droit de lui demander الآن. لا لابد que Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission, summa, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a yawm al-qiyama. Et en fait, haoula, na'oudou billah, al-shaytana tasallata alayhim, wa illa, limada il demande pas Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala karimun, lakin hakada a'iyadun billah, al-shirk, et se sont égarés. Qala, wa qala Abu Huraira, lahu sallallahu alayhi wa sallam, أي أبو هريرة إلى بوزن كيسون بروفيت صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا سنموت سنديتاي شرط الرضا vous rappelez le شرط الرضا عن الشافع والمشفوع أي كالله إلا غري celui qui fait الشفاعة et celui qui la reçoit أي بالتوحيد أما المشرك فلا فال ceux qui demandent الشفاعة à des morts فالحقيقة leur demande c'est un dua, c'est du shirk. فهؤلاء ils peuvent pas recevoir shafa'a même si on qadr أن فلان peut leur faire shafa'a eux ils feront pas partie de ceux qui la reçoivent لماذا لأنهم وقعوا في الشرك الأكبر فceux qui recevront shafa'a qui bénéficieront de shafa'a يوم القيامة c'est le موحدون فهؤلاء في الحقيقة ils veulent une chose et avec le fi'l qu'ils font c'est les personnes les plus éloignées de shafa'a المشركون قال شيخ الإسلام فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع كذلك هنا العقيدة أن الشفاعة سبب وإلا فالله سبحانه وتعالى كي veut pardonner à ce بشر et Allah سبحانه وتعالى il autorise une autre créature مثلا يوم القيامة le prophète صلى الله عليه وسلم de faire shafa'a pour un tel. Et Allah, il lui pardonne. Et il le fait sortir minan nar. Si on prend l'exemple de shafa'a pour sortir minan nar. Fahada. Wa illa fal amr salillah azza wa jal min qabl wa min ba'd. Vu que ha'oula, leur quloub, leur cœur, muta'alliqatun wi ghayrillah azza wa jal, dans cet instant qui est très très important, et demander la shafa'a, il la demande à autre qu'Allah azza wa jal. Qala shaykhul islam. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود أي البروفيت صلى الله عليه وسلم المقام المحمود أي الشفاعة العظمى لأهل الموقف فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع Et Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab il a cité plusieurs versets qu'on a lus ensemble. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ انْتَهَى كَلَامُهُ. فإنشاءاللَّه avec ce كلام et avec les مسائل qu'on a cité sur الشفاعه المسألة واضحة. نقرأ كلام الشيخ سعدي رحمه الله et ça sera الخلاصة de ce bab. Il a récapitulé رحمه الله. قال الشيخ سعدي باب الشفاعة إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب أي après avoir cité ces أبواب في الشرك il a cité الشفاعة لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون شبهة ils disent نحن leur demande et on sait que c'est des bachar on sait que c'est des créatures لكن قال ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله الزلفى vous vous rappelez de ce dalil Cheikh al-Islam il l'a cité في القواعد الأربع من يذكره qui c'est qui nous le rappelle pour démontrer pourquoi هؤلاء المشركين ils demandent à autre qu'Allah تفضل depuis le début ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله et dans l'autre verset que la cité l'akhli يقربون الى الله زلفا c'est pour ça qu'ils demandent à هؤلاء pour qu'ils les rapprochent d'Allah عز وجل أي c'est l'intercession الشفاعة قال الشيخ سعدي رحمه الله وليشفع لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. Et ça, ça nous montre la gravité de Shafa'a. في الحقيقة, c'est une ressemblance d'Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures. لأن, comme on a cité au début du dars, أن, dans certains cas, في الدنيا, et on a expliqué, الشفاعة الدنيا, où il y a dans certains cas, tu ne peux pas avoir certaines choses. Et min al-asbab, tu dois passer par un autre. On prend l'exemple d'un papier. Un papier pour l'administration, tu as besoin et tu n'arrives pas à avoir tel responsable à créer, tu as une connaissance. Et cette connaissance, il s'entraide avec toi et avec ses contacts, il arrive à te mettre en contact avec le responsable ou te donner ta feuille. Mouhim, c'est une chafa'a, elle est permise tant que c'est halal. Ah, ou l'exemple qu'il a acheté sur Saadi avec le Moulouk. Maintenant, on n'a pas accès pour parler au gouverneur, au roi. Enfin, on a besoin de quelque chose, que ça soit djelb manfa'a ou dav'a madarra, il m'a un bien, il m'a repoussé un mal, et on ne peut pas avoir accès directement au roi, au gouverneur, il a akhiré. Enfin, si c'est quelque chose de halal, de mashrou, il a akhiré, et wahad, il peut s'entraider ma'ak, il a des connaissances, il connaît le gouverneur ou il connaît quelqu'un qui connaît le gouverneur, muhim, une wasita pour ton talab, pour ta demande. Hada, c'est avec al-makhlouqin, c'est fi dunya, fa fi al-haqiqa, al-mushrikoun, ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à haoula al-mulouk. Pourquoi ce roi fi dunya, si on prend l'exemple d'un roi, pourquoi il a besoin, ou nous on a besoin de shafa'a, il ne peut pas tout entendre, il ne peut pas tout écouter, il est occupé, il n'a pas le temps. Certaines choses, on ne peut pas lui demander directement. Il y a des gens qui travaillent ma'a. Des ministres, des conseillers, il a akhiré. C'est pour ça que le roi, une demande, il l'accepte si elle vient d'un tel. Son épouse, ou son fils, ou son frère. Il connaît le frère du gouverneur. Et il fait cette demande à son frère, et le frère il demande au gouverneur. Le gouverneur il accepte, mais l'intermédiaire c'est son frère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin de tout ça. Allah il entend tout, il voit tout, il sait tout. Fa demande-lui, akhil karim. Fa fil haqiqa, haoula, ils ont un sou'dhan billah, c'est pour ça qu'ils ont eu recours à un intermédiaire. C'est ça, ma'na kalam, Cheikh Sa'di rahimahullah. قال وهذا من أبطل الباطل وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها أي كلها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم أي ces rois qui sont fait dunya pour pouvoir exercer leur fonction et l'akhirah, ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin d'associer, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de beaucoup de choses. Falihada, la demande de shafa'a dans certains cas, tant que ce n'est pas du haram, bien sûr, par rapport à la demande. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout, il sait tout, il connaît tout. Falimada, passer par un autre. Limada. Belle demander à un autre, qu'annahu il possède shafa'a, cet autre. C'est ça, shirk. Yanna shafa'a, c'est mulkun lillah. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Le verset est clair. لكن بعض الناس عياذا بالله من صلى الله عليه قال فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. Il a récapitulé هنا les conditions. الرضا والإذن. فلابد من الإذن وكذلك الرضا للشافع والمشفوع والرضا كما تقدم هنا التوحيد. قال فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. أي نعم, هؤلاء ضيعوا دينهم ودنياهم pour cette demande de شفاعة يوم القيامة يرسلون بالشفاعة. لماذا؟ لأنهم ليسوا مور على التوحيد. قال وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة وأنها كلها منه ورحمة منه وكرامة للشافع ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له. Celui que Allah سبحانه وتعالى lui autorise de faire الشفاعة. On prend l'exemple de notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. C'est une élévation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui la reçoit, c'est de la rahma. Enfin, celui qui fait l'intercession et celui qui la reçoit, wallillahi alhamd, ils sont fi khair. Tout ça, bi idnillahi azza wa jal yawm al-qiyamah. Qala وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأنا له المقام المحمود المحمود c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donnera l'autorisation à qui il veut يوم القيامة de faire intercession. À la demande, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on espère min Allah subhanahu wa ta'ala et on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui feront shafa'a, Allah il les élèvera et c'est une cause parmi les causes. قال فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام شيخ تقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع وهو كاف شاف وكذلك نغزت كلام ابن القيم فالفائدة للطيبة فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم وأنه ليس لها من الملك شيء لا استقلال ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة. Les quatre choses, ou les trois choses qu'il a cité l'imam Nuqayyim, et كذلك la quatrième, ولا من الشفاعة الشيء. Avec les deux versets min sourate Saba, Allah subhanahu wa ta'ala abtala هذه الأمور. أي, les raisons pour lesquelles les gens ils demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وإنما ذلك كله لله وحده فتعين أن يكون المعبود وحده. Vu que le mulk il appartient à Allah. Vu qu'Allah il est seul, il n'a pas d'associé. Vu qu'Allah il n'a pas besoin d'aide, il est capable de tout. Et vu que c'est Allah qui donne la permission de shafa'a, donc on adore Allah seul et on lui demande al-shafa'a seul, subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha al-qadr wa révisez hadha al-bab. C'est min aham al-abwab, bab al-shafa'a. Al-tawhid, pour le comprendre, tu as tawhid lui-même, et qu'il faut adorer Allah seul, il a akhiré toutes les ayats, toutes les hadiths qu'on a vu et qu'on verra ensemble, inshallah, via le kitab, kitab tawhid, et tu as mas'alat al-shafa'a, et tout ce qui est lié au shubuhat. Et parmi les plus grandes shubuhat, la plus grande c'est ma yata'alaq bil-shafa'a. Falihada, Cheikhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a écrit ces deux livres. Kitab tawhid, pour te montrer à tawhid et son contraire, le shirk il a akhiré, et il a cité كذلك ما يتعلق certaines shubah, خاصه الشفاعه, et il a écrit un deuxième livre, كشف الشبهات. Et كشف الشبهات, ce livre c'est pour répondre aux shubuhat des mushrikin, et une grosse partie du livre ça traite, une grande partie du livre ça traite mas'alat al-shafa'a. فالمن المناسب, c'est d'étudier ce livre, de l'apprendre par cœur kitab tawhid et de le comprendre, ثم d'étudier كشف الشبهات. Enfin, celui qui comprend ces deux livres, Kitab Tawhid, خاصةً celui qui l'apprend par cœur, il connaîtra l'adilla, il comprendra le sens, et il étudie après كشف الشبهات, inshallah il sera على خير في هذا الباب. C'est un باب عظيم. دعوات جميع الرسل, elle est fondée sur التوحيد. Tous les livres qui ont été révélés, c'est pour propager هذا التوحيد. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر, et on passe à notre deuxième dars. Faites-moi penser à la récitation samedi, inshallah, le bab il était assez long aujourd'hui, on n'a pas fait réciter d'autres frères.